Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Pour ce 2 heures de bon rock progressif, du rock progressif d'aujourd'hui, des nouveautés. On a pour ce soir 2 nouveautés de 2017. On a un deuxième extrait d'un disque que Michel vous a présenté il y a 2 semaines, le disque du groupe italien Universal Totem Orchestra. Mais on a également comme nouveauté ce soir... c'est un projet qui s'appelle Cristadoro. Voilà. Cristadoro, c'est un projet avec Fabio Zuffanti et Mox Cristadoro, qui est un musicien qui a participé à beaucoup de groupes en Italie. On parle ici d'un rock progressif qui est pas dans la veine rock progressif italien des groupes des années 70, mais plutôt d'un prog moderne, assez lyrique, mais qui fait quand même des références au rock de la fin des années 60, début 70. Là, je dirais, il y a une des pièces qui fait un peu Fat Old Son de Pink Floyd, là, qui apparaissait sur Atom Heart Mother, un album de 1970. Il y a également une des pièces où on a des ambiances de guitare à la Robert Fripp des années 70 de King Crimson. Parlant de King Crimson, on aura d'ailleurs en fin d'émission le nouveau disque live de King Crimson qui a été enregistré suite à la tournée qu'ils ont présentée au Québec et pour laquelle on avait fait une émission spéciale. Ça sera en toute fin d'émission pour faire une transition avec l'autoroute. On a également ce soir je parlais du Universal Totem Orchestra, on a du Glasshammer. On va parler de Glasshammer puisqu'ils sont au Centre d'art La Chapelle dans le cadre de la convention Terra Incognita ou Festival Terra Incognita les 20 et 21 mai prochains au Centre d'art, donc je le disais, La Chapelle. Le 20 mai, il y a donc Glasshammer qui est là pour présenter Valkyrie, leur plus récent album. On aura une pièce de Valkyrie, une pièce qu'on n'a pas écoutée encore, en fait, ils sont toutes bonnes, The Fields We Know. Et il y a également donc le samedi Hidden Song des États-Unis et du Québec Universe Effects. On a également le dimanche Ost Sonaten avec Fabio Zuffanti justement, Comedy of Errors du Royaume-Uni et Il Paradiso degli Orchi, un nouveau groupe italien, des jeunes avec une fougue. J'ai bien hâte d'entendre ça. Alors, les billets sont en vente au Centre d'art La Chapelle 20 et 21 mai sur le réseau Billettech, ou allez faire un tour sur le site de CKRL et vous pouvez cliquer pour aller sur notre page Terra Incognita, la page du festival et également les contenus musicaux. Et sur le site de CKRL, vous avez nos podcasts. C'est à ne pas manquer pour réécouter l'émission ou si vous l'avez manqué en direct. Alors, on y va en musique avec House, qui est un groupe de Montréal et qui présentait il y a 2 ans justement leur premier spectacle avec leur premier disque, Despite Guardian Angels. Ils ont présenté ça dans le cadre du festival Terra Incognita il y a 2 ans. Et là, ils sont ici au Cercle, vendredi qui s'en vient, le 27 janvier, pour présenter leur second album également et leur premier, et ils se préparent à une tournée en Europe, donc c'est un spectacle à ne pas manquer pour présenter Nether in Heaven, et on aura la pièce Insane, c'est une pièce instrumentale de cet album qui est chantée pour la plupart des pièces. Alors on a House, ensuite Glasshammer, et ensuite la nouveauté dont je vous parlais, Cristadoro. On y va tout de suite en musique avec House. We'll be right back. Steve Babb of Glasshammer, and you are listening to Terra Incognita, the progressive radio show of Quebec City. Hello, this is Steve. Long years ago I traveled on a road that led me to fields of battle far from home, and that is where you'll find me, though I don't know why. They say the war is over, they say we are at peace now, they say I should be heading home, but I have lost my way now. alza il sole sui monti e sono ancora a casa. Cala il sole sull'acqua e mi trovo nella polvere della strada. S'alza il sole sui monti e adesso sono a Torino. Cala il sole sull'acqua e mi trovo solo come un cane in un angolo dentro una mia città di vino. S'alza il sole sui monti e sono arrivato in Germania. Cala il sole sull'acqua e sono una baracca disteso al buio con un vecchio maglione addosso e una lampada che non funziona. S'alza il sole sui monti e mi trovo a Nanterre, periferia di Parigi. Cala il sole sull'acqua e sono con gli altri compagni a vegliare un povero italiano, il mio amico Luigi. Sui monti e sono arrivato a Milano, città dell'abbondanza e dei miracoli e della Madonna. Cala il sole sull'acqua e non ho nemmeno la forza di guardarmi la mano. S'alza il sole sui monti e mi trovo braccato nella campagna. Cala il sole nell'acqua e se qualche santo m'aiuta mi trovo alla fine in una grotta. Salza il sole sui monti e sono ferito a morte, ferito al petto e condannato. Povero operaio, povero pastore, povero contadino, salza il sole sui monti e sono morto e sotterrato. Salza il sole sui monti e un altro al posto mio è già arrivato, è già arrivato. Notte. you have in mind. And even if the question's wrong, the answer still remains the same. And even though it's everywhere, well, no one wants to speak its name. Forever marching to the sur les ondes de CKRL 89.1 Québec. Vous avez reconnu peut-être le groupe Gong. C'est un album posthume du décès de David Allen qui est paru l'an dernier, Rejoice I'm Dead. Et ça avait été évidemment avec déjà prévu là, par David Allen et son fils Orlando. Et ben sur cette pièce Rejoice, il y avait la participation de Steve Illidge qui était le guitariste de Gong dans la trilogie des années 73-74. Et on peut dire les meilleures années souvent. Il y a eu plusieurs périodes, il y a eu des périodes plus jazz, il y a eu après ça une activité qui a recommencé dans les années 90 et 2000 avec l'apparition d'excellents disques dans les années 2000 de Gong. Alors moi je l'aime beaucoup celui-là, c'est un de mes albums. J'ai toujours aimé Gong, puis c'est un super hommage à Gong, par Gong. Vraiment excellent. Alors, juste avant, il y avait la nouveauté, ça vient tout juste de paraître, Cristadoro. C'est de l'Italie et c'est Mox Cristadoro et Fabio Zuffanti qui ont préparé cet album, donc qui vient tout juste de paraître, un album éponyme, et c'était la pièce L'Operaio Gerolamo. Et juste avant, on avait débuté avec House, ou A-U-I, H-U-I-S, un groupe de Montréal qui sera en spectacle, comme je le disais, vendredi qui s'en vient au Cercle, et avec Julien Vachon en première partie, le 27 janvier. Alors, on y va en musique avec La Bocca della Verità. C'est probablement un des meilleurs albums de 2016 dans le rock progressif italien. Et la pièce La Rivolta. Il massacro dei terroristi. Je pense que c'est donc le massacre des terroristes. La révolte. C'est un album concept et c'est vraiment excellent. Ça, c'est vraiment dans le rock progressif italien pur. La Bocca della Verità, l'album Avenot. On poursuivra également avec un projet de la Norvège, Holon. Et une pièce, c'est une des pièces qu'on n'a pas écoutées encore, qu'on vous a pas fait écouter de cet album. Une pièce pleine de soleil et positive, Dancer in the Sky. Et on a encore plein de bonne musique qui s'en vient. On aura également, oui, Universal Tottenham Orchestra. Mais allons-y tout de suite avec La Bocca della Verità. We'll be right back. let your dreams unfold. Life is pretty hard, you might easily get scarred. We made it to the start, so go play your part. You're my angel, my guardian, my dancer in the sky. You'll be forever eternal, the moment's gone with the wind, like snowflakes on the ground. Can you hear this melody? You lost your faith in truth. You see there's only thoughts deceiving you. Clinging to the ground, holding on real hard. You try to be okay, but who do you obey? Forever eternal, the moment's gone with the wind. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. La 9e édition de Planche est maintenant disponible. Dans ce nouveau numéro, devenez spécialiste des BD avec Éric Hécaton, voyagez dans l'espace avec Jean-Paul Aide, ou encore plongez dans les dessous de la création de la bande dessinée à succès Hiver nucléaire en compagnie de Cab. Sous la couverture signée Jimmy Beaulieu, découvrez une toute nouvelle chronique intitulée Rencontre, dans laquelle Catherine Ousselot dialogue avec une personnalité. Abonnement papier ou numérique sur revueplanche.com ou en librairie dès maintenant. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. La vibration des bols tibétains et du hanpan nous permettent de rentrer à l'intérieur de ce lieu qui est le monastère des Augustines. Les sonorités du hanpan de Philippe Gagné et les vibrations des bols tibétains de Jimmy Thériault s'harmonisent dans les voûtes du monastère des Augustines. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Vous avez un produit ou un événement à promouvoir? CKRL double le nombre de diffusions de votre promotion à la signature de votre contrat. C'est facile. Signez et doublez. Contactez notre département des ventes au 88 640 2575 poste 209 pour connaître toutes les options qui vous sont offertes. Cette offre prend fin le vendredi 27 janvier. Pour souligner son 10e anniversaire, la Ninkasi du Faubourg présente Groovy Artwork en spectacle le 27 janvier. La Ninkasi vous promet un moment unique et festif avec ce célèbre groupe punk rock qui a laissé sa marque dans le paysage musical québécois depuis 30 ans. Les places sont limitées pour assister à un des rares concerts en salle de Groovy Artwork. Billets en pré-vente à 10$ à la Ninkasi ou sur lepointdevente.com. La Ninkasi, 811 rue Saint-Jean, en collaboration avec CKRL. Ou bien je me ferme les yeux. Et de retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était The Roma Project. C'est un projet du claviériste Vincenzo Riccia qui était sur cette pièce avec Billy Sherwood. Donc c'était plutôt évidemment la guitare de Steve Hackett que vous avez reconnue. La pièce Of Fate and Glory. C'est tout à fait dans l'ambiance avec un son de Genesis, une belle réalisation que ce Rome Project 2. Et juste avant, on avait eu Hold On, tiré de l'album The Time Is Always Now, un bel album, super bel album. Dans le Scandinave, là, il y en a pas des tonnes qu'on a pu connaître cette année, mais pour moi, ça rentre dans mes goûts. Il y a Rhys Marsh qui fait des voix sur ça. Et c'était la pièce Dancer in the Sky. Alors, on poursuit. Il y avait la Boca de la Verita juste avant. Et Gong, on a présenté. Donc, on poursuit, comme je le disais, avec Universal Totem Orchestra. C'est leur troisième album. C'est un groupe, le premier était paru en 99. Ça a pris 8 ans entre chaque album. Donc, en 2008, il y en a eu un second. En 2016, un troisième. Et c'est, ils appellent ça Zeul. Le genre, là, c'est pas un genre qui qui m'est familier, si on veut. Mais pour moi, c'est un bon prog avec une chanteuse de style un peu opéra. C'est un bon album, franchement. Mathematical Mother, on ira avec la pièce Mare Verticale de Universal Totem qui vient juste de paraître, là, donc ça fait 2 semaines. Et ensuite, le groupe Violetta di Otono, c'est un groupe qui vient du Brésil, et on aura une pièce, la pièce Imagines de cet excellent album Spaces. On aura également Iris Pluvia de l'Italie, tiré de leur nouvel album Different Earth. Et on y va en musique avec toute cette excellente musique d'aujourd'hui, de des groupes de 2017 et 2016. On y va tout de suite avec Universal Totem. We'll be right back.

Thank you. Change. C'était Violeta de Otono, un groupe du Brésil, et leur nouvel album Spaces, paru en 2016. Et ben un mélange, comme on a pu voir, d'influences qui rappelaient Camel et ensuite Gong et plein d'autres plein d'autres de bonne musique. C'est vraiment agréable à écouter dans mon cas. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. On salue Mike qui nous a téléphoné. Et on a eu juste avant Iris Pluvia, tiré d'un album paru également en 2016, nouvel album. Et on a eu Violeta, donc ouais, on en a parlé de Violeta di Otono. Et ben on poursuit en musique avec un autre groupe italien, Nathan, paru en 2016 également, Nebulosa. Et c'est leur premier disque. C'est des musiciens qui jouaient depuis les années 70 et c'est leur premier disque là, qui est réalisé. Il Fiume Sa. Et ensuite, on aura une pièce de Van der Graaf Generator tirée de leur album paru également en 2016, Do Not Disturb. Et une pièce qui n'a jamais joué encore à l'émission, Forever Falling, plus rock des années 70. Bon, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui sonne plus rock des années 70. Et on fera une transition tranquillement vers l'autoroute. Et également, King Crimson, c'est un coffret de la tournée 2015, Radical Action, To Unseat the Hole of Monkey Mind. C'est 3 CD et un DVD Blu-ray. Sur ça, c'est très bon. On aura Easy Money de King Crimson pour terminer l'émission et faire une transition avec l'autoroute avec Jacques Dulac. Mais bon, ben on y va tout de suite en musique avec Nathan Nebulosa. Siete fame di tempo che muove ancora e di te. Let's

say what you really want. Watch it slip away. Yeah, watch it slip away. Easy.